salut mes cocottes. Hey, t'as des petits amis, toi, la fin de semaine, qui veulent t'honorer. J'ai des amis qui veulent m'honorer. Ben oui, en fin de semaine passée, il n'y a pas des gens qui ont été te donner un beau cadeau. Il y a deux choses là-dedans qui veulent l'honorer, puis il y a des amis. Deux choses qui se parlent pas là-dedans. C'est comme deux mots que je connais pas, là. Fait qu'expliquez-moi ça, là, parce que j'ai de la misère à suivre. Ben là, t'as pas gagné une espèce de trophée ou une mention comme étant Radio Poubelle, je sais pas trop, effectivement, là. Effectivement, j'ai gagné le prix de la poubelle d'or en fin de semaine. Et c'est mes petits amis camarades, nos petits terroristes morues, là. De Montréal, là, qui sont venus me mener ça en fin de semaine, ceux qui sont là dans les manifestations, ceux qui pitchent des roches aux policiers, ceux qui veulent couper les pattes des chevaux avec des lames de rasoir, nos petits terroristes montréalais. Là. C'est ça la première fois que tu gagnes ton simili Gémeaux, toi aussi, à la radio? Non, c'est la deuxième fois. Ils me suivent depuis Saguenay. Ah, oui. Hey, ça a été fait comment, ce sondage-là? C'était-tu sur Internet? C'était-tu dans la rue? J'ai vu ça sur Internet passer. Écoute, ils ont pris 5 ou 6 citations, puis j'ai regardé les citations, là, les autres, je ne sais pas tout qui a dit ça, et ils ont décidé de me mettre dans l'eau, puis ça a l'air que 50% des gens ont voté pour ma citation. En fait, c'est un segment que j'ai dit au Saguenay sur deux épais qui avaient fait une vidéo sur YouTube à un moment donné, puis finalement, ça s'est ramassé dans le nord, là dans le mur, puis castré. Mais... Fait qu'ils ont dit celle-là, fait que c'est moi qui ai eu le petit prix. Ça a parti de même, cette histoire-là. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est pas compliqué, c'est que je suis le seul animateur à Montréal à les dénoncer et à les pointer du doigt. Fait que quand tu déranges, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois des prix. Ouais. Hey, juste, on va continuer la discussion. Je veux juste dire à nos auditeurs, parce que là, on a défoncé de loin le 2000. Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez voter jusqu'à 5 heures. On va prendre ceux et celles qui vont jusqu'à 5h15. OK, 5h15, là. Jusqu'à 5h15. Il vous reste encore 5-7 minutes là, pour donner la chance à tout le monde. Il y en a qui sont en auto, ils arrêtent sur le bord, ou il y en a qui vont texter en même temps, puis ils vont aller s'inscrire, ça n'a pas de bon sens. Dis des choses pareilles, Monette. Bon, ceci dit, moi, je suis content que tu aies gagné ce prix-là. Puis je suis content que... Moi aussi, j'ai gardé la poubelle, d'ailleurs. Oui. Et puis parce que je me suis dit, à chaque fois que je vais pouvoir recevoir un déchet d'eux, ben, je vais le mettre dedans. Ouais. Ça va être ma poubelle à déchets. Ben, admets-tu remarqué que ces gens-là sont braves, viennent toujours quand on est absent. Là, ils en ont profité, c'est quoi? Ils sont venus un dimanche matin, je pense, ça. C'est une gang de pissous, là. Ils sont venus un samedi matin à 8 heures, là. Fait, je m'excuse de ma soeur, là. J'étais déjà en train de perdre plein d'argent au casino à Ottawa, là. Okay. Hey, puis une chance que les fameuses dites radio poubelles existent pour dénoncer tout ce qui se passe. C'est à chaque jour. Te souviens-tu du magazine McLean? Quand il avait sorti l'espèce d'article choc où tout le monde au Québec était scandalisé. Mais de ce temps-ci, quand tu regardes ça, je dis, on ressemble, c'est quasiment pire au Québec, Monette, que la Colombie. C'est à tous les niveaux. Les ingénieurs, les avocats, les firmes, les politiciens, les policiers aujourd'hui, de ce qu'on apprend, là, une taupe à la police à Sherbrooke, c'est à tous les niveaux que c'est corrompu. Ben non, puis je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est drôle parce que les plus radicaux, les plus gauches, là, vraiment antiterroristes, puis qui traitent de radio poubelle, ben c'est souvent ceux qui font pire. T'sais, on dirait que quand tu dénonces la violence, quand tu dénonces l'intimidation, quand tu dénonces des gens qui sont là juste pour faire le chaos, eux autres, ils n'aiment pas ça, donc ils traitent de poubelle. Je trouve que c'est le monde à l'envers. Ouais, puis ça en prend des radios à droite pour dénoncer, entre autres, l'augmentation qu'on vient encore de subir d'Hydro-Québec. Mais je me demande des fois si on dort pas au gaz. Ou encore, il y a tellement de crosses autour de nous autres qu'à un moment donné, on vient habituer. Te souviens-tu la commission Charbonneau quand ça a commencé? Il y en a un, OK, qui est venu dire avec un accent italien qu'il y avait de quoi de croche. Hey, là, on criait au scandale. Là, on dirait que c'est rendu normal. Là, ils passent tout à tour de rôle, puis ils expliquent tout ça, puis là, on n'est plus offusqué. Ça ne dérange plus. C'est, ben non. J'ai entendu lui, il dit ça, puis lui, on dirait qu'on est... Oh, tout est correct, là. Ben non, Monette, pourquoi ça ne fait plus rien? Il s'excuse à la fin. Ils ont fini, puis là, ils s'excusent, puis là, on se dit, mec, dans le fond, pour moi, c'est un bon gars, tu sais. Il a eu les couilles de venir tout dire ça à la TV, fait qu'il s'excuse après. C'est une gang de rats, de crosseurs, puis de voleurs. Tu sais, moi, je les parlerais toutes, en parlant de couilles, on devrait toutes les parler dans les couilles. Non, et puis... On pas toujours obligé de se mettre dans le trouble aussi quand on parle avec Monette. Non, ça va être beau. C'est correct, là, c'est bien correct.